L'actualité à Nancy et ailleurs. Heillecourt, ma ville nature, revient cette année les 25 et 26 mai dans le parc de Lambany et à la maison du temps libre. Sébastien Billon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur culture, jeunesse et sport. Comment s'était passée l'édition 2023? Ça s'était très bien passé. Les deux années précédentes se sont passées magnifiquement. Alors déjà, du coup, on a eu une super météo. Donc déjà, ça aide beaucoup. Oui. Et puis ensuite, la manifestation évolue tranquillement. On avait 4 villages l'année dernière. On a même décidé d'en créer un 5e cette année. Elle s'est organisée sous les meilleurs auspices. Voilà, donc l'année dernière, il y avait Saveur, il y avait le village Nature, Sport Santé, Repère du Jeu. Alors, quel est le 5e village qui s'ajoute cette année? Alors, on y rajoute Art et Scène. Pourquoi ce choix? Eh ben en fait, la manifestation, c'est surtout une manifestation qui s'offre donc pour les familles et y courtoises et autour de la banlieue nancéenne. Et on a trouvé que c'était un thème très intéressant et très valorisant du coup pour le patrimoine et y courtois. Il y a beaucoup d'exposants qui seront présents lors de ces deux journées, j'imagine. Oui. On aura plus de 50 exposants sur la totalité des 5 villages. Mais on y a rajouté donc des peintres, des photographes, des sculpteurs qui font notamment partie de l'association des artistes Heillecourtois. On y ajoute aussi l'école de musique Heillecourtoise qui a créé un projet avec d'autres écoles de musique de la métropole et qui vont donc se représenter devant le public de la manifestation, notamment pendant tout le week-end. Et puis on en a également aussi profité pour faire venir une troupe de théâtre qui va jouer le samedi soir. Donc ça, voilà, c'est les grandes nouveautés de cette année. Donc ça commencera le samedi à 14h et le dimanche, ça commencera même à 10h du matin. Il y aura même la possibilité de se restaurer sur place. Oui, il y aura de la restauration. Alors, avec, pareil, hein, des produits locaux, des circuits courts, des produits bio. Enfin, voilà, vraiment, il y aura moyen de se restaurer de la plus belle des manières. Voilà, en plus, il y a un village Saveur, ça donne tout de suite envie. Ah bah oui, c'est clair. Et puis, il y aura vraiment de tout. Hein. Donc, il y aura à la fois des jus de fruits locaux, il y a du champagne, il y a du vin, il y a des glaces. Enfin, vraiment, il y aura tout pour faire un bon petit repas avec que des produits locaux. On a parlé du village Art et Scène, on a abordé le village Saveur. Il y a aussi un village nature, qu'est-ce qu'on va y apprendre? Dans le village nature, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois du coup des associations de protection, de défense de la nature, donc où on y parle beaucoup notamment de la faune et de la flore. Et puis on a aussi des producteurs qui sont notamment à base de recyclage, de vêtements, qui font de l'information. On a aussi la métropole du Grand Nancy qui vient pour nous donner des informations sur tout ce qui est quotidien, ménager, etc. Donc ça c'est le village nature, on parle maintenant un petit peu du village sport santé, on va faire un peu d'exercice? Ah oui, clairement, du coup, il y a différentes choses, il y a à la fois des associations directement et courtoises qui vont donc proposer et démontrer les sports locaux, donc on a notamment du foot, du tennis, on fait également venir un animateur multisport sur les installations du terrain synthétique de foot, où on va essayer de montrer aussi de nouvelles disciplines sportives qui sortent un petit peu du quotidien, comme de l'ultimate frisbee, de la crosse canadienne, voilà, qu'on fasse découvrir de nouveaux sports aux enfants et aux parents qui seront présents lors de la manifestation. Le repère du jeu, qu'est-ce que ça veut dire? Alors le repère du jeu, ça se passe à la Maison du Temps Libre, donc Maison du Temps Libre déjà c'est notre lieu de travail au quotidien. On a la chance d'avoir un beau bâtiment avec notamment une salle de spectacle, un jardin, etc. Et on va donc accueillir le public lors de ces deux jours-là avec toutes les formes du jeu possible. C'est-à-dire qu'il va y avoir à la fois des jeux de société, à la fois des vieux jeux de bois qui sont notamment construits par nos bénévoles Heillecourtois. C'est notamment donc nos bénévoles qui construisent le char de la Saint-Nicolas. Et puis on va avoir aussi tout ce qui est nouvelle technologie, donc avec des consoles de jeux, des casques virtuels, enfin voilà. Donc on va essayer de toucher le jeu sous toutes ses formes. Donc on a de quoi s'occuper lors de ces deux journées, le 25 et le 26 mai, mais il y a aussi en amont de ces deux journées une projection des bals le jeudi soir, Rhin-Meuse. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, on est particulièrement sensible à ces sujets, et donc on a l'agence de l'eau qui va venir la veille de la manifestation, dans notre salle de spectacle justement, et puis qui va nous faire une projection d'une petite vingtaine de minutes sur tous les enjeux qui touchent donc l'eau et tout ce qui est autour actuellement. Et puis donc, il y aura tout un débat avec des questions du coup du public qui sera présent. Heillecourt, ma ville, nature, c'est les 25 et 26 mai et bien sûr cette projection débat le jeudi soir. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs pour leur donner envie de venir découvrir le parc de Lambany et puis la maison du temps libre? Juste que si vous avez envie de passer un bon moment, à profiter, à déambuler dans notre superbe parc de Lambanie, y rencontrer des artisans locaux, y apprendre de nouvelles choses sur notre environnement, sur le recyclage, et puis qu'on a envie tout simplement de passer un bon petit moment en famille. Il faut y passer largement la journée si jamais le temps le permet. Franchement, voilà, ne ratez pas ce moment-là, ça sera une super journée. En vous écoutant, on voit qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. On retrouve bien sûr tout le programme sur le site de la commune d'Heillecourt. Oui, oui, bien sûr, sur heillecourt.fr. Évidemment, du coup, toutes les informations sont en ligne. Merci beaucoup, Sébastien Billon. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.